C'est vrai que parfois on en fait qu'à sa tête. J'ai été têtu, c'est vrai, je tiens à m'en excuser. Certes, je suis un homme après tout et j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Et je crois quand même qu'au fond de nous, il faut pardonner quoi. La chaleur, le ciel bleu, le soleil dans les yeux, les palmiers, le marché, toi et moi, on est deux. C'était mon vœu exaucé à présent. Faut que tu saches que quand je l'ai fait, c'était à l'âge de 13 ans à l'époque. J'avais déjà cette intime espérance en moi. Ça n'a pas été facile, tu sais, il nous a fallu des mois et des années, des hauts et des bas, des disputes, des débats inutiles. Mais quand on aime, on ne compte pas, Loubna. Vents et marées n'ont pas empêché de nous marrer, de nous barrer par la suite. Et nous voilà en fuite en mode Bonnie and Clyde. D'un côté c'est l'éclate, mais de l'autre le malheur de deux familles qui s'écartent. Je regrette sur la poussière et la cendre. Le mal que j'ai fait a entraîné ma descente. Si je t'ai blessé, laissez-moi reculer. Je reconnais mon tort, je reconnais mon tort. Je n'ai écouté que moi-même. Au fond, j'ai voulu prendre les rênes de ma vie. Trop de choix dur à faire. On a osé prendre nos propres décisions. Maintenant, belle et beau cassé à l'extérieur de la maison de vagabond que nous sommes, recherchés comme Oussama. Et ça me fait mal de faire du mal à ceux que j'aime. L'amour parental inconditionnel n'est pas rentable. Est en train de se transformer en un véritable djihad. Notre insouciance n'a fait que retarder notre croissance, imposer toutes nos espérances et nous festoyons dans l'errance. Bien que notre expérience nous ait fait mûrir et que nos attentes, elles, les ont fait mourir. Égoïstes que nous sommes, mais au fond nous ne sommes comme. J'ai honte de nos actes, que le Seigneur Dieu nous pardonne. Je regrette sur la poussière et la cendre. Le mal que j'ai fait a entraîné ma descente. Si je t'ai blessé, laissez-moi reculer. Je reconnais mon tort, je reconnais mon tort. Je n'ai écouté que moi-même. Au fond, j'ai voulu prendre les rênes de ma vie. Trop de choix dur à faire dans ma vie. Mais je n'étais pas assez fort. Mais je n'étais pas assez fort. Mais je n'étais pas assez fort. Mais je n'étais pas assez fort. Ma situation est hard, Seigneur, je te demande pardon. J'ai perdu ma famille, mais je ne veux pas te perdre. Ma situation est hard, Seigneur, je te demande pardon. J'ai perdu mes amis, mais je ne veux pas te perdre. Ma situation est hard, Seigneur, je te demande pardon. J'ai perdu ma famille, mais je ne veux pas te perdre. Ma situation est hard, Seigneur, je te demande pardon. J'ai perdu mes amis, mais je ne veux pas te perdre. Thank you.